Chapitre 4. L'immatérialiste récrit. Il trouve que nous nous faisons la part belle en nous attribuant un sixième sens dont il serait dépourvu. Qu'ils nous permettent de faire remarquer que ce n'est pas nous qui leur refusons le sens moral. Ils avouent eux-mêmes en être privés, lorsqu'ils déclarent qu'il n'y a rien au-delà du monde matériel. Vous affirmez ne pas voir des objets qui frappent distinctement nos regards. Comment échapperions-nous à la constatation de ce fait? Que nous voyons des choses que vous ne voyez pas, que nous avons pour les choses de l'esprit un organe de vision que vous ne possédez pas. Il est vrai qu'on nous conteste cette vue de l'invisible. La foi aux choses invisibles, dit-on, est une affaire d'habitude, de tradition, le résultat de l'éducation. Je commence par accorder que cela est vrai dans un nombre infini de cas. Toute respectable que soit la foi traditionnelle, elle n'est qu'un jugement formé sans examen, c'est-à-dire un préjugé. Croire aux choses invisibles sur le témoignage d'autrui, ce n'est pas les voir, c'est admettre leur réalité sans évidence positive. Tels les pharisiens d'autrefois. Sur l'autorité de Moïse, qui lui avait vu l'invisible, ils admettaient l'existence de Jéhovah. Ils ne le voyaient pas. Ils n'avaient pas la foi qui naît de la vue. C'étaient des aveugles qui s'illusionnaient. Or, les spiritualistes dont les croyances ne reposent que sur la foi traditionnelle sont sujets au doute. Qu'un accident imprévu ébranle leur confiance dans la personne ou dans le livre qui pour eux faisait loi, aussitôt leur foi, n'ayant plus de base, s'écroule. Mais de ce que la foi est de tradition dans beaucoup de familles, il ne résulte pas que l'objet de la foi soit sans réalité. Il y a dans le monde nombre de familles chez lesquelles se perpétue la tradition de l'existence des étoiles. Est-ce à dire pour cela que l'existence des étoiles soit un préjugé traditionnel? J'ai connu des matérialistes issus de parents spiritualistes. J'ai connu deux frères élevés de la même manière, au même foyer. L'un était chrétien, l'autre athée. J'ai connu des hommes qui, après avoir consumé une moitié de leur vie dans l'incrédulité, passaient en un jour du scepticisme au spiritualisme, et pour employer le mot de l'évangile qui est ici le mot propre, des ténèbres à la lumière. Pour que votre explication fût probante, il faudrait que tous les faits concordassent avec elle, et que fatalement, tout fils d'incrédule fût incrédule, tout fils de croyant fût croyant. Il n'en est point ainsi. Qu'on ne vienne donc pas nous parler de nécessité. La foi à l'invisible n'est pas nécessairement le produit de l'éducation. En elle-même, elle est indépendante et se manifeste dans les circonstances les plus diverses. On dit encore, l'histoire montre que les siècles de foi ont été des siècles d'ignorance et que les siècles de science sont des siècles d'incrédulité. D'où l'on conclut que la foi est le produit de l'ignorance et qu'il suffit de s'élever sur les sommets radieux de la science pour voir se dissiper les fantômes de l'imagination. On oublie, en raisonnant de la sorte, que deux faits simultanés ne sont pas nécessairement dans les relations de cause à effet. Il faudrait prouver que la foi, nous ne disons pas la crédulité, est le produit de l'ignorance. On ne l'a pas fait. L'observation ne confirme nullement cette théorie, construite sur des apparences. Lorsqu'on y regarde de près, on s'aperçoit que dans les siècles d'ignorance, il y avait déjà des incrédules, probablement en aussi grand nombre qu'aujourd'hui. Seulement, à ces époques de barbarie, ils avaient moins de hardiesse, la tolérance n'étant pas le fait des institutions antiques. Il y avait des esprits forts chez les Indiens au temps de Christophe Colomb. Il y en avait parmi les Aryas qui envahissaient l'Inde, il y a 3000 ans. Cette théorie transformiste, qui doit faire la gloire des nations modernes et les affranchir à jamais des entraves de la religion, Héraclite les professait en Asie mineure 500 ans avant Jésus-Christ, Empédocle à Agrigente, Lucrèce au sein du monde superstitieux de la Rome antique. Pourquoi n'ont-elles pas affranchi les générations d'alors? Aujourd'hui, si l'on rencontre des incrédules parmi les savants, la science en est certes innocente. Chez les ignorants, la proportion d'incrédules est bien plus forte. Et M. Ernest Renan avoue qu'après tant d'études critiques et philosophiques, il n'est pas plus avancé qu'un gamin de Paris. « Je l'avoue, dit-il, je me sens parfois humilié qu'il m'ait fallu 5 ou 6 ans de recherches ardentes, l'hébreu, les langues sémitiques, Jésénius, Ewald et la critique allemande, pour arriver juste au résultat que ce petit drôle atteint tout d'abord et comme du premier bond. » L'aveu est significatif, bon à enregistrer. Gavroche, avec son ignorance crasse, aussi dégagé de toute croyance que M. Renan avec son érudition. Comment oser prétendre après cela que la foi va de pair avec l'ignorance, le scepticisme avec la science? Remarquons au surplus, et pour compléter l'évidence, qu'il y a aujourd'hui, la statistique le montre, plus de croyants qu'au temps de Voltaire, bien que notre siècle soit plus instruit que le sien. Jamais les croyants n'ont été aussi nombreux qu'à notre époque, l'époque par excellence des méthodes scientifiques. Or, Il n'est point avéré qu'aujourd'hui les hommes de foi soient tous des ignorants ou des pauvres d'esprit. Il est au contraire bon nombre de savants qui, tous savants qu'ils sont, ne dédaignent point d'affirmer leur foi au monde invisible. J'estime qu'un Max Müller, pour ne parler que d'orientaliste, vaut bien un Ernest Renan, quoiqu'il ne se fasse pas gloire comme celui-ci d'être dégagé de toute opinion et placé au point de vue d'une bienveillante ironie universelle. Et n'avons-nous pas entendu récemment, à l'Académie française, un des représentants les plus autorisés de la science contemporaine, M. Pasteur, proclamer en termes non équivoques sa foi au surnaturel? Au-delà de cette voûte étoilée, qu'y a-t-il? De nouveaux cieux étoilés, soit, et au-delà. L'esprit humain, poussé par une force invincible, ne cesse jamais de se demander « Qu'y a-t-il au-delà » Peut-il s'arrêter dans le temps ou dans l'espace, comme le point où il s'arrête n'est qu'une grandeur infinie, plus grande seulement que toutes celles qui l'ont précédée? À peine commence-t-il à l'envisager que revient l'implacable question, sans qu'il puisse faire taire le cri de sa curiosité. Il ne sert de rien de répondre. Au-delà, ce sont des espaces, des temps et des grandeurs, sans limite. Nul ne comprend ces paroles. Celui qui proclame l'existence de l'infini, et personne n'y peut échapper, accumule dans cette affirmation plus de surnaturel qu'il n'y en a dans tous les miracles de toutes les religions. Les positivistes parlent d'illusions. Une de leurs plus étranges illusions consiste à penser qu'ils ont le monopole de l'indépendance d'esprit et de la clairvoyance, que leurs adversaires sont de pauvres diables dépourvus de sens et trop faibles d'esprit pour s'émanciper de traditions surannées. Cette prétention en fait sourire. J'ai lu leurs ouvrages les plus savants car je joue aussi de la flûte. J'assiste en observateur attentif à leurs analyses les plus délicates. J'ai suivi le fil de leurs déductions. Et quoique mon intellect n'ait rien de transcendant, leur savoir n'a pas eu pour moi des sommets inaccessibles. J'ai parfaitement saisi les arguments de leur naturalisme et leur raison de nier le monde invisible. Je les ai compris et jugés. Ils ont une façon que je trouve plaisante d'accaparer le domaine des sciences naturelles, comme si c'était là leur propriété particulière. Permettez, ce domaine est à moi aussi bien qu'à vous. Comme vous, et au même titre que vous, j'étudie les phénomènes et m'efforce d'en trouver les lois. J'ai de plus que vous le monde invisible. Voilà toute la différence entre vous et moi. Et quand vous m'accusez, ou d'avoir l'intelligence faible, ou d'être l'esclave du préjugé, vous usez d'un argument que je pourrais rétorquer contre vous. Dans cet univers, vous ne voyez que les choses visibles, d'ordre inférieur. Si vaste qu'il vous paraisse, je le trouve petit. Par-delà le monde de la matière et de l'espace, en dehors de la notion du temps, j'aperçois un autre univers, d'ordre immatériel, le monde de la volonté, de la liberté, de l'amour, le monde de la vraie puissance. Vous avez fait des tours de force pour démontrer que notre sentiment désintéressé du devoir est une sorte d'avarice morale héréditaire, que la vertu et le vice sont des produits naturels comme le sucre et le vitriol, que l'esprit humain n'est qu'un mouvement moléculaire, une vibration ou encore le résultat de je ne sais quelle action chimique au sein des cellules organiques. J'ai trouvé ingénieux, mais bien insuffisant. Vous m'êtes apparu semblable à un enfant qui tâcherait à enfermer l'océan dans une coquille de noix. Le phénomène a partout débordé vos explications. Comment ? Voici, sur ce grain de poussière sidérale qu'on appelle la Terre, un être appartenant au monde des infiniment petits, un atome. Cet atome, avec une intelligence inouïe et une insatiable curiosité, s'élance dans les espaces, pesant les globes, calculant leur éloignement ou leur évolution, analysant leur substance. Puis il revient sur cette terre qu'il habite, il la pèse, il la juge, il en met à nu les ressorts cachés, et par une suite de découvertes merveilleuses, il arrive à dompter sa planète, à supprimer pour ainsi dire l'espace et le temps, à faire ce qu'il veut. Enfin, non content de sillonner des éclairs de sa pensée cet univers matériel trop étroit pour son ambition, il part en explorateur pour des régions inconnues, où toutes ses facultés, tous ses sens lui manquent à la fois, mais où il demande à pénétrer et qu'il réclame de connaître. Et cet être prodigieux ne serait que ce qu'il apparaît sous votre microscope, une agrégation de molécules inconscientes, une réunion d'animalcules juxtaposées au hasard, sans idée préconçue, sans but déterminé. Non, messieurs, mille fois non. À vos affirmations sans preuve rationnelle, j'oppose avec confiance, quoique sans preuve rationnelle, mon affirmation. L'homme est petit par son organisme matériel, il est grand par sa nature spirituelle. Citoyen du monde de l'esprit, C'est un esprit intelligent et libre, supérieur au temps et à l'espace, supérieur à cet univers matériel qu'il embrasse d'une pensée et domine d'un acte de volonté. Si vous le voyez enfermé pour quelques jours dans une agrégation de molécules matérielles auxquelles sa présence communique la vie, sachez qu'il demeure distinct de cette enveloppe temporaire et caduque. Pourquoi un esprit d'un si grand volume a-t-il été enfermé dans un grain de poussière? Je ne sais. Le grain de poussière peut rentrer dans la poussière. Cela n'ôtera rien à la vitalité de l'être presque infini qui était momentanément enfermé. Au contraire, libre de toute entrave, il s'élancera dans le monde qui est le sien, impatient d'étancher aux sources vives de la vérité la soif qui le dévore. Vous direz que je me promène dans un pays de chimères. Je n'en disconviens pas. Comment ce monde invisible ne serait-il pas une chimère pour votre raison bornée, puisqu'elle n'y peut pénétrer? Mais c'est de cela même que nous sommes convenus dès l'abord. On raconte qu'un soir d'été, deux frères se promenaient ensemble sur la rive de notre lac. L'un était clairvoyant, l'autre aveugle-né. Le clairvoyant célébrait en termes enthousiastes la splendeur des nuages de pourpre flottant dans une lumière dorée, la merveilleuse dégradation des teintes réfléchies par le miroir des eaux, l'éclat scintillant de l'étoile du soir. L'autre écoutait sans comprendre. Son regard impuissant et vague errait au hasard. « Tu oublies, dit-il à son frère, que tu me parles une langue inconnue. Qu'est-ce que ce monde de la lumière et de la couleur dont tu parais enchanté? À quoi ressemble-t-il? De quoi se compose-t-il? Ma raison ne se l'explique pas, et mon imagination fait de vains efforts pour se le représenter. » À l'ouïe de ces paroles mélancoliques, l'admirateur de la nature se tut. Il regrettait d'avoir éveillé chez son frère le sentiment douloureux d'une grande infortune. Mais supposez que dans sa compassion il voulût faire connaître à l'aveugle-né quelque chose des gloires d'un coucher de soleil. Comment s'y serait-il pris? Quel raisonnement aurait-il appelé à son aide? Quelle définition, intelligible pour un aveugle, aurait-il donné de la lumière? L'entreprise était impossible, on voit la lumière, on ne la définit pas. M. Ernest Havet a publié un article de critique sur les évangiles. Il commence par déclarer qu'à ses yeux, le surnaturel n'existe pas. Or, ce qui distingue les évangiles de toute autre biographie humaine, c'est précisément le surnaturel. Les clartés de l'invisible y revêtent les objets de couleurs particulières, leur donnent leur cachet, leur signification. Entrer dans ce sanctuaire avec le parti pris de nier le surnaturel, c'est agir comme un critique d'art qui, au moment de pénétrer dans un musée de peinture, en ferait exclure toute lumière. M. Havet se promène en aveugle dans le monde des évangiles, se heurtant aux angles, trébuchant à chaque pas, renversant tout dans sa marche désorientée. Du reste, pas de raisonnement, et en cela nous l'approuvons. Il suffit d'affirmer, et M. Havet s'en donne à cœur joie. Il décrète, il tranche, il ordonne, il se pose en juge, et si l'on peut regretter quelque chose, c'est qu'il y ait dans ses allures encore trop de timidité. Les expressions « je crois »,« j'imagine »,« peut-être »,« probablement »,« il me semble »,« il est vraisemblable » reviennent trop fréquemment sous sa plume. Un véritable aveugle serait plus autoritaire. Il nierait carrément teintes et couleurs après avoir posé en principe que la lumière n'existe pas. Êtes-vous jamais allé attendre le lever du jour sur quelque haut sommet? Vu de nuit, la nature a des aspects mystérieux. Les objets prennent des formes bizarres. Les distances se rapprochent ou s'éloignent sans mesure. Les plans du paysage se confondent, l'invraisemblable est partout. Mais au premier rayon de soleil, quel coup de théâtre! Le chaos se débrouille, l'ordre se rétablit, la réalité apparaît dans son harmonie et sa beauté.